franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Françoise Dolto, médecin d'éducation. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Alquémade, réalisée par Laurence Courtois. Hier, dans le cadre de nos deux émissions spéciales consacrées à la psychanalyste Françoise Dolto, l'une des grandes figures du XXe siècle français, nous sommes revenus sur ses travaux et son parcours pour comprendre comment elle a révolutionné notre regard et notre rapport à l'enfant. Aujourd'hui, deuxième épisode donc avec cette fiction consacrée cette fois à ses années de jeunesse et de formation. Françoise Dolto elle-même est revenue vers la fin de sa vie sur son enfance pour offrir un autre regard sur ses travaux. On y a découvert alors l'histoire d'une jeune femme née Françoise Marette au début du siècle dernier dans une famille bourgeoise parisienne où elle reçoit une éducation catholique de parents proches de l'extrême droite. Une famille marquée par un drame, la perte de la sœur aînée de Françoise Dolto à l'âge de 18 ans et qui était l'enfant préféré de sa mère. Entre Dolto et sa mère, justement, les relations sont particulièrement difficiles car celle-ci s'oppose à la volonté de Françoise de passer son bac et de faire des études de médecine. C'est grâce à sa volonté et au soutien de son père qu'elle finit par pouvoir engager sa carrière hospitalière. Au cours de ses études, elle découvre la psychanalyse. Cette fiction propose donc de nous plonger dans ces années décisives, celles de l'enfance, de la jeunesse, de l'apprentissage, celles qui feront que Françoise Dolto réalisera son rêve, exprimé dès son plus jeune âge, devenir médecin d'éducation. Pour poursuivre cette histoire, nous recevrons après la fiction l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco que vous avez entendu hier lors de l'émission consacrée dans son premier volet à Françoise Dolto sur sa vie, son œuvre. Elisabeth Roudinesco est auteure d'une histoire de la psychanalyse en France et de plusieurs biographies sur Jacques Lacan ou Sigmund Freud notamment, et qui a connu personnellement Françoise Dolto. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Affaires sensibles. Françoise Dolto, médecin d'éducation. De Philippe Alquémade. Réalisation. Laurence Courtois. Je sais, tes frères, les amis de tes frères, les voisins. Je leur ai dit, j'ai chez moi une putain. Elle vit comme une salope dans le quartier latin. J'ai pris des renseignements sur toi. Tu es totalement infréquentable. Putain! Salope, traînée, catin. Tu mérites qu'une chose, c'est que je te mette de la merde dans ton visage. Comme ça, tu seras dans ton élément. Petite, j'aimais m'envoler dans l'invisible. Je montais au ciel, sur la passerelle de Passy. Et j'attendais le train et sa vapeur, comme une envie d'être dans les nuages, au bord des étoiles, et de rêver. Rêver le monde, rêver les gens, rêver la vie, rêver la mort. À l'aube des grandes questions de l'existence, sans cesse oubliées, puis sans cesse rappelées, puis oubliées à nouveau, en redescendant sur terre de l'autre côté du chemin de fer. Mais les crevettes demandent à être cuites vivantes. Ainsi aussi, quand j'étais petite, toute la famille partait pour Deauville. On passait toutes les vacances à Deauville. Et je me souviens de cette phrase que ma mère ou les grandes personnes disaient souvent: les crevettes demandent à être cuites vivantes. Et moi, je me demandais comment les grandes personnes arrivaient à comprendre ce que disaient les crevettes. Les crevettes demandent à être cuites vivantes. Et lorsque je disais de la crevette, mais qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là, personne ne me disait qu'il s'agissait d'une façon de parler. Du coup, j'en concluais que les adultes étaient très malins, puisqu'ils comprenaient ce que disaient les crevettes. Cette fois-ci, je pense que je suis prêt. Françoise Dolto, entretien du 19 juin 1979. C'est bon ? Oui, je pense. Allons-y. Ah oui, comme je vous le disais, dans le documentaire en voix off, il y aura une brève biographie qui vous présentera. Je vais vous la lire, pour être certain que je ne fais pas d'erreur. Si vous voulez. Alors voilà. Françoise Dolto, née Françoise Marette, a vu le jour le 6 novembre 1908 dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris. Sa mère, Suzanne Demmler, d'origine alsacienne, est fille de polytechnicien et son père, Henri Marette, est également ingénieur polytechnicien. Quatrième enfant d'une fratrie de sept, elle est la sœur de Jacques Marette, qui a été ministre français des Postes. C'est avec lui que j'ai créé le secrétariat du Père Noël. Ah bon ? Je ne savais pas. Oui, en décembre 62. Mais c'est une autre histoire. Revenons-en à nos moutons. Oui, c'est tout pour la présentation. Cela vous convient ? Oui, très bien. Alors, je souhaiterais aborder deux questions essentielles à mes yeux, qui vous définissent en tant que psychanalyste. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui vous a fait vous tourner vers la psychanalyse. Ah, la réponse est à la fois simple et compliquée. Le premier souvenir remonte à mon enfance. Je me rappelle de la décrépitude des veuves bourgeoises sans travail, qui, une fois leur mari mort à la guerre, se retrouvaient sans rien et étaient obligées de mendier pour nourrir leurs enfants. Une commerçante ou une ouvrière continuait à travailler après la disparition du mari. La tristesse était là, mais elle continuait à faire bouillir la marmite. Tandis que les veuves bourgeoises, ces femmes habillées comme ma mère, et qui disaient « si on ne m'aide pas à nourrir mes enfants, il ne me reste plus qu'à faire le... » Ça m'a marqué. Et je sais que je me suis dit alors qu'il me fallait un métier pour ne jamais connaître ces situations-là. C'est d'avoir vu ces veuves qui vous a décidé à devenir psychanalyste ? Non. Même si un jour, à la cantonade, je devais avoir 5, 6 ans, j'ai dit que je voulais être médecin d'éducation. Et lorsque mes parents m'ont demandé ce que c'était qu'un médecin d'éducation, je leur ai dit que je ne savais pas, mais qu'il fallait que ça existe. Non, la psychanalyse est venue plus tard. Racontez-moi. Comme je vous l'ai dit, je voulais absolument avoir un métier. Mais ma mère n'était pas du même avis. Vers mes 15 ans, lorsque j'ai voulu passer le bac... Maman, dis-moi. Oui ? Ce matin, dans le journal, j'ai lu que la dernière limite pour porter mon dossier d'inscription au bac était hier. Il parlait aussi d'un reçu que l'on recevait lors du dépôt du dossier. Ah bon, un reçu ? Oui, un reçu. Donc je suis allée voir la directrice. Je lui ai demandé si elle avait mon reçu. Le reçu pour le dépôt de mon dossier. Le dossier, je lui ai remis voilà plus d'un mois. Oui, bon, un reçu. La directrice m'a dit que tu es passée la voir pour lui demander qu'elle ne présente pas mon dossier et que ma dispense soit refusée. Ah ! C'est vrai ? Si elle le dit, c'est sans doute vrai. Et alors ? Tu es trop jeune pour passer le bac, voilà tout. J'ai 15 ans et mes notes sont excellentes. Que veux-tu que j'y fasse ? Je veux passer le bac, un point, c'est tout. Ma fille, dis-toi bien une bonne chose. Une fille qui a le bac n'est plus bonne à marier. Je pense donc que tu n'as pas à passer ce bac. On va te trouver un mari et tu seras à l'abri du besoin. C'est comme ça qu'on m'a éduquée et c'est comme ça que j'entends bien t'éduquer. Fin de la discussion. Non, la discussion n'est pas close. Françoise, enfin... Ça va, toi. Je ne veux pas me retrouver comme ces veuves de guerre qui en sont réduites à se prostituer pour faire manger leurs enfants. La prostitution. Tout de suite, les grands mots. Oui, parfaitement. Quand on ne sait rien faire de ses 10 doigts et que l'on se retrouve sans argent parce que le principal soutien de la famille est mort à la guerre, il ne reste plus que cette solution-là, non ? Ou alors mendier. C'est peut-être ce que tu me souhaites, que je finisse mendiante. Tu délires, ma fille. Tu délires complètement. Je veux passer ce bac, tu m'entends ? Mais enfin, Henri, interviens ! Mon petit, je vais téléphoner tout de suite en rentrant au bureau à quelqu'un que je connais au Conseil d'État. Je te dirai ce qu'il en est. Toi, de ton côté, à défaut de reçu, demande à ce qu'on te rende ton dossier. Car ces femmes doivent l'avoir, ce dossier. Profites-en pour récupérer ton carnet de notes. Lorsque tu auras fait ça, téléphone-moi au bureau. C'est demain que se réunit le jury des dispenses. Je vais essayer d'arranger cela. Là, c'est la fin de la discussion. Allô, papa ? Ah, Françoise. Et alors, tu l'as ? Non. Les dames du secrétariat ont perdu mon dossier scolaire. Ça n'arrange pas les choses. Eh bien, débrouille-toi pour le refaire. Tu as jusqu'à demain 10h. De mon côté, si je leur fais parvenir avant midi, c'est jouable. La réunion des dispenses a lieu à 14h. Et comment je vais faire ? Il faut que tu te rendes chez chacun de tes professeurs pour réunir toutes les notes. Oui, d'accord, je vais faire ça. Bon. Qu'est-ce que tu attends ? Rien. Tu devrais déjà être parti. Oui, à tout à l'heure. À plus tard. Excusez-moi, Madame Dolto, ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre ? Non, un peu d'air frais nous fera du bien. Merci. Alors, comment ça s'est terminé, cette histoire? Comment peut-on égarer un dossier scolaire? Vous ne trouviez pas ça stupéfiant? Non, pas tant que cela. Ces salopes, appelons-les par le nom qui convient, ces salopes m'ont répondu qu'elles ne savaient pas où était mon dossier. Elles m'ont affirmé qu'elles l'avaient égaré. En réalité, elles ne voulaient pas me le rendre, voilà tout. Elles étaient furieuses parce que, en me gardant comme élève, elles gagnaient de l'argent, vous comprenez? Et puis, j'avais de très bons résultats. Ça crée une réputation. C'était sans doute important pour l'école. Bref. Et en fin de compte, vous avez eu le bac. Oui, avec la mention bien. Saviez-vous qu'une de mes options était la psychanalyse? Avouez quand même. Ah bon? La première rencontre alors? Oui, si on veut. C'était une matière à option que l'on préparait tout seul. J'avais déjà lu la psychanalyse d'Angelo Hénard. Un livre que mon père m'avait donné à lire en me disant... C'est intéressant cette méthode nouvelle qui guérit les gens qui ont parfois des délires. C'est aussi intéressant pour les gens normaux. Lis-le et tu me diras ce que tu en penses. Et donc l'examen? Oui, je m'en suis bien tiré. J'étais interrogé à l'oral. Sur le livre que votre père vous avait donné à lire? Non. J'avais lu pour l'occasion « La psychopathologie de la vie quotidienne » de Serge Jankélévitch. Et aussi 5 leçons sur la psychanalyse d'Yves Lelay. J'ai été reçue avec la mention « bien ». Et ensuite, vous vous êtes inscrite en médecine. Vous rigolez. Non, j'ai d'abord passé un diplôme d'infirmière. La seule chose que ma mère pouvait tolérer que je fasse. Et puis surtout, il y a eu Edmond. Dis-moi, Françoise, tu vas sur tes 23 ans, mais je pense qu'il est temps que tu te décides. Tu en es où avec Edmond? Que veux-tu dire? Ne fais pas l'idiote, tu sais bien ce que je veux dire. Je n'en suis nulle part. C'est un garçon gentil, cultivé, je l'aime bien. On partage énormément de choses, mais en toute amitié. Voilà, c'est le terme qui convient. Nous sommes amis. Ça ne va pas plus loin et je n'en demande pas plus. Il faudrait peut-être songer à vous fiancer. Pourquoi? On est bien ainsi? Parce qu'une jeune fille bien née ne se promène pas dans la rue au bras d'un jeune homme s'il ne s'agit pas de son fiancé ou de son époux. C'est la règle, un point, c'est tout. Écoute, maman, si tu veux que je me fiance par souci du camp, dira-t-on, je le ferai. Mais sache que je ne suis pas amoureuse de lui. De plus, il ne veut pas d'une femme qui fait des études. Et ça, pour moi, ce n'est pas négociable. Avoue qu'il n'a pas tort. On a déjà eu cette conversation. Une fille qui fait des études n'est plus bonne à marier. Voilà tout. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir 25 ans. Oui, je sais. À 25 ans, tu feras ce que tu voudras. Et je t'avouerai que j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai dit cela. En vérité, je pense que tu es sur le point de commettre une grosse bêtise. Tu vas rater ta vie. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est cela qui t'attend pour tes 25 ans. À 25 ans, je ferai ma médecine et d'ici là, je ferai ce que tu voudras que je fasse. On ne peut pas trouver meilleur compromis. Tu sais, à ton âge, moi j'avais déjà... Tu avais quoi? Eh bien, la chose. Avec un homme. C'est bien agréable. Ne me dis pas que tu ne l'as jamais fait. Franchement, tu m'obliges à me fiancer avec lui, pourquoi pas? Mais ne me demande pas autre chose, surtout pas ça. Oh, tout de suite, tu montes sur tes grands chevaux. Je ne suis pas amoureuse de lui. Et alors? Ça viendra, avec le temps. D'abord, ma médecine. Ma pauvre fille. Mais que va-t-on faire de toi? Votre mère était dure avec vous. Et encore, dure est un doux euphémisme. Elle était dictatoriale. Non, je ne pense pas. C'était une mère rétro, intelligente, mais névrosée. Et très certainement perturbée par la mort de ma sœur aînée. Jacqueline. Oui, elle est morte d'un cancer des os à 18 ans. La névrose de ma mère vient très certainement de là. Revenons-en aux études de médecine. La médecine, je l'ai démarrée à 23 ans. Un peu grâce à mon frère Philippe. À l'époque, il souffrait d'une acné qui lui mangeait le visage. Cela venait sans doute du fait que notre père l'imaginait faire HEC, alors que lui ne rêvait que d'une chose, la médecine. J'en ai donc parlé à mon père, Un jour, à table, on a abordé le sujet. Françoise, j'ai rangé ton poste à galène à la cave. Je l'ai emballé pour qu'il ne prenne pas la poussière. Ton poste à galène, tiens, c'est vrai. Je l'avais oublié, celui-là. Je rigole pas. Grâce à mon poste à galène, j'avais l'heure juste. C'était pas donné à tout le monde d'avoir l'heure juste. Bip, bip. C'est tout ce qu'il faisait. À vous quand même, Adam. Oui, mais c'était important pour moi. Ah. Parlons de choses un peu plus sérieuses. Dis-moi, Philippe, je voudrais mettre les choses au point. Sache qu'il est hors de question que je te paye une année de plus pour le bac. On ne peut pas être plus clair. Tu as intérêt à réussir. Oui, je sais. Ne t'en fais pas, je réussirai. Françoise me dit que tu préfères la médecine à HEC. Oui. La médecine, c'est ce qui me passionne vraiment. Je ne me vois pas passer ma vie au milieu des chiffres et des bilans. Ça ne m'intéresse pas. Bon, si c'est la médecine que tu souhaites faire, fais ta médecine. Je n'y vois pas d'objection. Ah. Tu sais, Françoise, puisque Philippe va faire sa médecine, tu devrais t'inscrire avec lui. Maman, écoute, ça fait assez d'histoires comme ça. Mon année à la Sorbonne est organisée, je vais faire de l'italien. Je ferai ma médecine à 25 ans, comme il était convenu. Pourquoi changer d'avis? Mais parce que comme cela, tu auras un chaperon. Tu ne seras pas livrée à tous ces hommes sans pouvoir te défendre. Ça me rassurerait. Ceci dit, Françoise, ce serait pas mal de se retrouver ensemble en médecine. Et puis ce serait une saine émulation. Je veux bien, mais... Tu as envie de la faire, cette médecine, ou pas? Oui. Ben alors, la question est réglée. Il faut avouer qu'il était pas simple, ce contrôle. T'avais combien, toi? 14. Et toi, Marc? Marc? Marc Schlumberger. Ah oui, bien sûr. Schlumberger, vous avez travaillé ensemble, non? Oui, pendant la guerre, à Sainte-Anne. Et si mes souvenirs sont bons, Marc a été le premier à soutenir une thèse sur la psychanalyse en 1939. Bref, je continue. Et toi, Marc? Pareil, 14. Et toi? Moi, 8. Ah. T'en fais pas, mon vieux, il y en aura d'autres, tu pourras te rattraper. Je sais pas, j'y arrive pas, je comprends pas ce que j'ai. Vous avez vu, mon acné a repris de plus belle. Je devrais peut-être essayer une analyse. Une analyse? Je suis sérieux. Ça consiste en quoi? Ce sont des séances, avec un... Un psychanalyste? Ouais, tout à fait. Tu vas le voir, vous parlez un peu, et vous essayez de comprendre pourquoi ça bloque. Moi, je pense que Philippe est fatigué. Il a passé son bac en septembre, et il a pas vraiment eu le temps de se reposer. Voilà tout. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Non, mais regarde comment tu te comportes avec ta sœur. Toujours à vouloir l'aider à faire ceci, à faire cela. T'en arrives même à lui dire avec qui elle peut parler ou pas. Ça, c'est notre mère qui veut ça. Elle a décrété qu'il serait mon chaperon. C'est peut-être là que le bas blesse. Faire ce genre de choses te mine, c'est pas vraiment ton rôle. Et puis t'as peut-être mieux à faire que de veiller sur ta sœur. Elle est assez grande pour surveiller toute seule. Non? Non, vraiment, crois-moi, tu devrais essayer une analyse. Et je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'en suis une. Et je sais tout le bénéfice que j'en tire. Après tout, pourquoi pas? Qui ne tente rien à rien. Même si je trouve l'idée un peu saugrenue. Et c'est cher? Ah, c'est pas gratuit, ouais, c'est sûr. Mais ton père pourrait te la payer? Ça, j'en doute. Non, si c'est que ça, j'en fais mon affaire. Et t'as un nom? Oui. Tiens, passe-moi un bout de papier. Attends. T'as qu'à l'écrire sur mon calepin. Françoise, on a fini cette partie? Eh oui, pourquoi pas? Alors. C'était à qui de jouer? À toi. Ah! Ah oui. Pas fameux. Et ton dernier coup à toi, c'était quoi? Ma reine en C8. Ah oui. Bon. Alors, voyons voir. Tiens, regarde. Que dis-tu de ce coup-là? Pas mal. Dis-moi, papa. Oui? Je voudrais te parler de nos études. Tu sais, pour moi, ça marche plutôt bien, je te rassure, mais Philippe a vraiment beaucoup de mal à tenir la cadence. Oui. Et comme on est dans la même année, ça ne fait qu'aggraver les choses. Il se compare sans cesse à moi et ça le rend très malheureux. Et du coup, ça me met, moi, un peu mal à l'aise. Oui. Bon, toujours est-il qu'on a un ami, Marc. Marc Schlumberger, le fils de Jean Schlumberger, l'écrivain ami de Gide. Oui, je le connais. Ah, tu connais Marc? Non, Jean, son père. Je l'ai rencontré à 2-3 reprises. Ah. Enfin bref, il pense qu'une analyse pourrait l'aider. Une analyse? Oui. En fait, une psychanalyse. Ah, je vois. C'est pas bête. J'ai lu quelques ouvrages sur le sujet. Ça a l'air de fonctionner. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a donné un nom. Le docteur Laforgue. Tu penses que tu peux faire quelque chose? Bon. J'irai voir ce docteur Laforgue lundi ou mardi. C'est à toi de jouer. Échec. Oh, c'est pas possible. En 15 jours, Philippe s'est libéré du poids qui le minait. Il s'est mis à mieux travailler. Le résultat était stupéfiant. Aussi rapidement? Je vous l'assure. 2 semaines ont suffi à le débloquer. Et du coup, moi-même, je me suis sentie mieux. Et nous avons été tous deux reçus à l'examen de fin d'année. Tout est bien qui finit bien, alors? Si l'on veut. Comment cela? Lorsque nous avons commencé notre 2e année de médecine, c'est pour moi que les choses se sont gâtées. J'étais heureuse de faire ce que je faisais, et ça rendait furieuse ma mère. Sans doute pensait-elle que je me lasserais très vite de la médecine, et c'est tout le contraire qui arriva. Edmond, mon fiancé, enrageait lui aussi que je fasse des études. Ce qui devait arriver arriva. D'un commun accord, nous avons décidé qu'on cesserait de se voir. Au bout du compte, j'ai fini par être envahie par une espèce de culpabilité. Et des questions du genre, mais qu'est-ce qui était bien ou qui ne l'était pas? J'aurais voulu faire plaisir à ma mère, à Edmond, mais l'envie de faire ma médecine était plus forte que tout. J'ai fini par ne plus bien dormir. Du coup, je n'y arrivais plus. Les contrôles, les examens, tout m'épuisait. Par manque de sommeil, j'imagine. Et c'est là que mon frère Philippe a été présent. Il a fait ce que j'avais fait pour lui quelque temps auparavant. Il est allé voir mon père. Et comme Philippe, vous vous êtes retrouvé en analyse avec la Forgue. Exactement. Et qu'en est-il sorti? Les 3 premières séances, je n'ai pas dit un mot. Je me suis assise sur le divan et je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer! Une vraie madeleine. Aux 3 séances? Oui. Mais le simple fait de pleurer m'a beaucoup soulagée. J'ai retrouvé le sommeil. Du coup, j'ai décidé de continuer mes séances. Et puis après quelques mois, mes rapports avec ma mère se sont tendus, sont devenus insupportables. Elle faisait tout pour que je rate mes cours ou que je n'arrive pas à étudier la veille d'un examen important. Comment? En invitant des gens, précisément ce jour-là, ce genre de choses, enfin soit. J'en ai parlé à la Forgue. Et il m'a donné un conseil que j'ai mis du temps à mettre en œuvre. À plus tard, j'y vais. Tu vas où? Bah, à la fac. Ne me mens pas, Françoise. Je ne te mens pas, je vais à mes cours. Tu me mens. Maman. Il n'y a pas de maman qui tienne. Tu vas faire la putain, c'est ça? Non, maman. Ne me mens pas. Je t'interdis de me mentir chez moi. Je ne te mens pas, je vais à mes cours et tu vas me faire rater le bus. Tu n'es qu'une salope, tu m'entends? Une traînée. Tu es tout juste bonne à faire le trottoir. Une putain. C'est simple, tout le monde le sait. Tes frères, les amis de tes frères, les voisins. Je leur ai dit, j'ai chez moi une putain. Elle vit comme une salope dans le quartier latin. J'ai pris des renseignements sur toi. Tu es totalement infréquentable. Putain, salope, traînée, catin. Tu ne mérites qu'une chose, c'est que je te jette de la merde au visage. Comme ça, tu seras dans ton élément. De la merde pour une putain. Je t'interdis de mentir chez moi. Ma fille est une putain. Ma fille est une putain. Arrête, faut que ça se sache. Arrête. Arrête. C'est moi qui t'interdis. Je t'interdis de me traiter de salope, de me traiter de putain, de catin. Je n'en suis pas une. Tu m'entends? Je t'interdis de dire à mes frères que je suis une traînée, une salope, une moins que rien, que je vis une vie de débauche tout au long de la semaine. Et tu sais quoi? La prochaine fois que tu me parleras comme ça, eh bien je ne t'écouterai pas. Je partirai. Et tu vomiras tes injures à une pièce vide. Au mur, si ça te chante. Mais je ne serai plus là pour t'écouter. Tu vas devoir te trouver un autre public. C'est moi qui t'interdis. Est-ce que tu comprends? Je t'interdis. Est-ce que les choses sont claires comme ça? Voilà, c'est dit. Et je ne te dis pas au revoir. C'est d'une violence inouïe. Oui. Mais ma mère avait une névrose. Et la forgue m'a conseillé de m'opposer à elle, alors que jamais encore je n'avais osé le faire. Je respectais ma mère, vous comprenez. Cela faisait partie de mon éducation. Libre de penser ce qu'on voulait, mais dans le respect des parents. Et donc, m'opposer à elle était tout bonnement inconcevable. Je ne répondais jamais à ses insultes. Mais par cette attitude, vous exacerbiez sa névrose. Oui, tout à fait. Et dès que je lui ai tenu tête, le soir même en rentrant, elle avait changé. Elle était métamorphosée. Sachez que je pense que ma mère m'aimait vraiment, profondément, comme une mère aime son enfant. Mais d'avoir perdu sa première fille l'a bouleversée. Elle a investi en moi tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir avec ma sœur. Un beau mariage, une belle famille, des petits-enfants, que sais-je encore, et donc... Je... 6 heures déjà, et nous n'avons même pas encore abordé la deuxième question. Quelle était-elle ? Il s'agit de votre engagement auprès des enfants. Et puis, j'aurais voulu aussi aborder la radio, France Inter et votre émission, lorsque l'enfant paraît. Cette façon que vous avez eue de changer le regard des gens sur l'enfance. Comme une idée révolutionnaire, en marche vers une autre vision du monde, dans l'esprit de tant de parents. Bref, je pense que nous manquons de temps. Revoyons-nous demain pour en parler, si vous le voulez. D'accord. C'était Françoise Dolto, médecin d'éducation, de Philippe Alquemade. Avec, dans le rôle de Françoise Dolto, Chantal Brunner, Françoise Dolto jeune, Julia Védis-Bogart, le questionnant, Pascal Collin, le père, Stéphane Valency, la mère, Françoise Henri Kummer, Philippe, Igor Menjiski, Marc Schlumberger, Antoine Berry-Roger. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine, Laure Jung-Lancré. Assistant à la réalisation, Alice Cachaner, Lise-Marie Barré, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Venons-en à la découverte la plus stupéfiante pour qui ne vous connaît pas. C'est que vous avez été, je le dis aux téléspectateurs, jusqu'à l'âge de 24 ans. Je dis bien jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous avez été une enfant, une adolescente, puis une jeune femme, brimée, culpabilisée, oui, par une mère, comment la qualifiez-vous aujourd'hui ? Rétro, tout simplement. Une mère intelligente, une mère qui a été frappée quand j'avais l'âge de 12 ans par le drame qu'a été pour elle la mort de notre sœur aînée. Vous dites, elle était dingue dans sa douleur de mère. Le mot dingue m'a surprise sous votre plume. Dingue, parce qu'elle est devenue dingue. Elle était folle de douleur. Et c'est ça qui a été le drame qui, pour moi, à mon avis, est à la base d'être devenue psychanalyste. Et le jour où vous rompez vos fiançailles avec un jeune homme que visiblement vous n'aimez pas, elle vous traite de putain. Elle croyait que j'étais sa maîtresse. Elle avait des imaginations extraordinaires, ma mère. Et ma mère aimait beaucoup ses enfants. Mais certainement, elle était d'une sévérité avec elle-même épouvantable. Enfin, elle vous chasse de la maison. Oui, mais c'était... Jamais je n'y en ai voulu parce que je la connaissais comme un être passionné qui avait des idées à elle qui pour moi me semblaient des idées de pythécanthrope. La chose la plus stupéfiante, c'est que jusqu'à l'âge de 24 ans, 25 ans, pas un moment de révolte, pas un sentiment de révolte. Alors curieusement, pour moi, j'avais tellement de temps devant moi. C'est après coup que je me suis dit, c'est curieux d'avoir résisté si longtemps à prendre l'essor. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'avais pas un sou. Ah oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas un sou qu'on ne se révolte pas. Vous êtes, c'est vrai, d'une docilité étonnante. Et alors, je me suis posé quand même cette question. C'est presque un défaut chez moi. Mais je me suis quand même demandé si dans cette famille chrétienne, on ne nous avait pas inculqué le goût du sacrifice, le goût de l'obéissance, de l'humilité. Non, pas du tout. C'était de l'éducation. Si ta mère dit que la lune est carrée, tu ne dois pas la contredire. Mais tu es libre de garder ta liberté de penser. Parce que la liberté de penser, on la gardait. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Françoise Dolto, médecin d'éducation, notre invitée, l'historienne et psychanalyste Elisabeth Rodinesco. Bonjour Elisabeth Rodinesco. Bonjour. Comment allez-vous depuis hier? Merci d'être revenu. En tout cas, vous avez entendu l'archive tout à l'heure, il y a moins d'une minute qu'on vient de diffuser là sur apostrophe, et vous m'avez dit ça, c'est une belle archive. Et qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? C'est une belle archive parce que il faut bien séparer deux choses. Il y a ce que Dolto dit d'elle-même et de son enfance, et il y a ce que l'historien que je suis peut reconstituer ensuite quand sa correspondance a été publiée. Parce que là, à ce moment-là, on n'a pas les archives. Donc, il faut comparer. Ce qui est très frappant dans l'histoire de Françoise Dolto, elle parle très bien de ça. Il y a une chose qui est très frappante, c'était pas un milieu simplement chrétien, c'était l'Action française. Ses parents étaient antisémites. Quoi qu'elle en dise, elle l'a jamais dit, c'était l'Action française. Et là, la correspondance le montre. Alors, doublé évidemment d'un intégrisme religieux qui existait dans beaucoup de familles. Les filles devaient encore se marier vierges. C'est une droite maurassienne, quoi. Une droite maurassienne, mais qui est affirmée comme telle. Ça se voit dans la correspondance. On la fiance pendant la Première Guerre mondiale avec son oncle, enfin, qui va. On lui fait croire qu'il va à la guerre de 14, on lui fait croire que les enfants naissent dans les choux, bien entendu, que sa pauvre mère est un tissu de névrose. Elle est elle-même le produit de tout ça. Juste au passage, toutes les pionnières de la psychanalyse. En France et à l'étranger, ont toutes eu des problèmes avec leur mère et leur famille pour se sortir. Moi, ma famille, les femmes étaient féministes, donc c'était fait, si vous voulez. C'est un peu particulier. Mais c'est terrible, parce que c'est une époque, les femmes ne travaillent pas, sont destinées à se marier. Alors, c'est doublé dans la famille de Françoise Dolto, que ce n'est pas du tout une famille républicaine. Voilà. C'est l'Action française maurassienne. Alors, elle se sort de là. En effet, en s'appuyant sur son père, sur son désir évidemment de faire des études, c'est un classique dans l'histoire. Les femmes se sortent comme ça. Lisez les mémoires de Simone de Beauvoir. On a évidemment quelque chose d'équivalent. Mais jamais Françoise n'aura de vraies réflexions sur, c'est très curieux, sur l'aspect politique de sa famille. Pourquoi ? Je crois qu'elle ne pouvait pas. C'est une partie qui a été, qui est restée dans son inconscient. Moi, je le sentais. Elle parlait de sa famille, je le sentais qu'il y avait ça. J'ai souvent essayé de lui dire, mais enfin, est-ce que tes parents, qu'est-ce qu'ils étaient politiquement ? Elle me disait, ils admiraient Zola. Je n'aimais pas trop qu'on dise qu'on admirait Zola, parce que ça me faisait penser que peut-être, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas, Zola, c'est l'affaire Dreyfus. On sentait en elle qu'il y avait quelque chose. Deuxièmement, j'ai remarqué, après, quand j'ai écrit l'histoire, en plusieurs temps, j'ai écrit l'histoire de Dolto, à la fois avec son témoignage et ensuite avec les archives après sa mort. Donc c'est assez intéressant et compliqué. Non, ça ne jouait pas dans ce qu'elle disait. Françoise était entourée d'antisémites et elle s'en rendait pas compte. Ah, alors je vais mettre les pieds elle peut-être était sur. Entourée d'antisémites. J'ai bien entendu. Alors je vais peut-être mettre les pieds sur un terrain un peu glissant. Oui, mais un peu glissant. Mais vous avez dit à un moment, donc, le fait que ses parents étaient antisémites, qu'elle avait cet entourage-là, elle l'a laissé dans son inconscient. Oui, les psychanalystes seraient-ils comme les cordonniers les plus mal chaussés ? Bon, écoutez, oui. Ah, d'accord. Enfin, tout de même, on va pas. Bon, il faut calmer les choses. Les psychanalystes sont pas omniscients sur eux-mêmes. Et certainement pas sur leur histoire. Aujourd'hui, le travail, c'est les historiens. On essaye d'établir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, la perte de sa sœur aînée, ce drame intime. Alors, quelle place ça tient comme ça ? Énorme. J'imagine. Dans son vécu. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que quand moi, historienne, je reconstitue l'histoire, je ne vais pas faire une autre histoire que celle de son vécu. Hein ? La découverte, c'est une bonne chose d'avoir publié tout. Sa correspondance, y compris celle de la période de l'occupation, parce qu'on découvre tout à fait autre chose. Tiens, parlons-en. Allez, parlons-en. Alors, évidemment, les anti-Dolto ont inventé qu'elle avait collaboré avec les nazis. Non, ça n'est pas exact. Françoise Dolto a été, pendant la période de l'occupation, exactement d'ailleurs comme d'autres, absolument ni résistante, ni collaborante, rien. Elle a continué sa clientèle comme elle pouvait. Elle a eu quelques mois, elle a travaillé dans l'Institut Alexis Carrel, je suis allée regarder. Elle était psychologue, enfin, elle travaillait comme, avec des enfants. Il n'y avait pas d'engagement de ce côté-là. Et après la période de l'occupation, elle reprend tout son travail. Je dirais que. A-t-elle traversé toute cette période sans comprendre ? Non, quand même pas. Elle avait en analyse, on s'occupait des enfants de la Shoah qui avaient subi des traumatismes. Mais après, peut-être qu'elle est passée à côté de la tragédie de l'histoire, parce que l'histoire est parfois tragique. En même temps, au moment, oui, parce que la correspondance de 40 à 45, c'est une correspondance familiale, donc privée, que nous avons découvert. 40 ans plus tard, avec la publication. Elle aurait pu ne jamais être publiée. En ce sens, la famille a eu raison de la publier. Là, c'est une ode au maréchal Pétain. Elle écrit à sa famille qui lui répond, ils sont maréchalistes. Et bien, pourquoi vous insistez sur le fait que ce soit privé ? Alors effectivement, c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact privé. Sur la vie publique. Donc ça, c'est non, c'est aucun important. Impact. Donc, si vous voulez, c'est quand même ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Et si on s'intéresse à la femme Françoise Dolto, le fait que ce soit dans le privé ne manque pas d'intérêt non plus. Enfin, certainement, mais quand on étudie les archives, Dieu sait si je les ai étudiées, si j'ai étudié cette période, j'ai étudié l'histoire de René Laforgue, qui est plus compliquée, on ne va pas revenir là-dessus, qui a tenté de collaborer avec les nazis qui n'ont pas voulu de lui, mais elle n'était pas là à ce moment-là. Si vous regardez bien, du point de vue de l'histoire de la collaboration, il n'y a pas d'acte de collaboration. Donc il faut maintenant cesser ce genre d'accusation. Bien. Il n'y a pas d'acte de collaboration et il n'y a pas d'acte antisémite. Bon. C'est clair. C'est clair. Alors maintenant, quand on découvre la correspondance privée, évidemment qu'ils sont maréchalistes dans cette famille. Il n'y a pas de doute. Après, j'aurais aimé, évidemment, si j'avais lu cette correspondance de son vivant, lui reposer ces questions. Elle me disait toujours, la politique ne m'intéresse pas. Et comme moi, la politique m'intéressait, que je venais d'une famille de résistants, où on était politisés. Je lui disais, mais pourquoi la politique ne t'intéresse pas ? C'est quand même très intéressant. Je ne m'intéresse qu'aux enfants, qu'à l'inconscient, qu'à la souffrance humaine. Et alors, c'était sa priorité. C'était sa priorité. Peut-être que c'est à ça qui l'a empêché de voir la tragédie de l'histoire aussi. Hein, je ne suis pas possible. Sûre qu'elle ne l'ait pas vue. Parce qu'elle était certainement entourée d'antisémites, mais aussi d'élèves juifs qui ne cessaient pas de lui parler de ça, parce que la Shoah était une césure énorme dans l'histoire de la psychanalyse. Donc, je pense que je dirais que Françoise Dolto n'était pas antisémite. C'est clair, mais elle ne voyait pas l'antisémitisme autour d'elle. Elle ne le percevait pas. On va passer à autre chose, c'était très intéressant. Il est temps de passer aussi à autre chose, parce que cette... personnage, il y a mille portes d'entrée hein, pour s'intéresser à Françoise Dolto. Est-ce que c'est une sorte de portrait typique de cette époque de l'entre-deux-guerres, décisif pour les femmes, une sorte de moment de bascule, de société qui est dans cet entre-deux à la fois temporel et sociétal, hein, sur les années folles. Est-ce que c'est un portrait, est-ce qu'elle se fond dans ce mouvement-là? Moi, je dirais ça. Il faut comparer dans l'histoire, si on fait l'histoire des femmes et des mouvements féministes, il faut lire les mémoires d'une autre Firanger, de Simone de Beauvoir. Il faut voir ce qui s'est passé pour toutes ces femmes nées avant la guerre de 14, qui ont eu une éducation très particulière, qui accédaient à des métiers, qui se sont battues pour le droit de vote, qui ont été... Bon, ma mère en a fait partie, donc de la même façon. Sauf que ma mère a pu avoir une carrière. Elle était la sœur de Louise Weiss. Donc, dans ma famille, on était plutôt très féministes, très engagés. Mais il faut resituer toutes ces pionnières de la psychanalyse dans tous les pays du monde ont eu à se battre pour avoir un métier. À commencer par Anna Freud, la fille de Freud, qui a voulu être l'élève de son père, et qui ne voulait pas se marier, qui a été l'élève de son père. Mélanie Klein a eu des destins identiques. Alors, je dirais que, d'une manière générale, le mouvement psychanalytique a été pour les femmes émancipateur. Pourquoi ? Parce que, comme la psychanalyse d'enfants est née au début du XXe siècle, ce sont d'abord les femmes qui ont été préposées à s'occuper d'enfants. Et il y avait très peu de psychanalystes d'enfants hommes. Il a fallu attendre Winnicott. Alors après, dans la deuxième génération, il y en a eu beaucoup. C'était plutôt le métier des femmes. Donc c'est par... La psychanalyse a été une passerelle de l'émancipation des femmes, autant d'ailleurs que la psychologie, la médecine, etc. Aujourd'hui, dans le monde entier, les femmes sont majoritaires dans toutes les sociétés psychanalytiques. C'est une profession extrêmement féminisée, comme les psychologues d'ailleurs. Elle commence à devenir majoritaire chez les médecins. Donc oui, elle a, il faut la resituer, la réinscrire dans l'histoire de l'émancipation des femmes. Et pour elle, ce sont les études. Ce sont les études qui ont été émancipatrices. Sinon, elle se serait... Bien sûr, je ne sais pas, elle se serait suicidée, elle l'a dit. Bon. Et puis, elle a épousé quelqu'un qui n'était pas ordinaire. Hein. Elle a eu un mari tout à fait étonnant, que j'ai bien connu, Boris Dolto. Et donc, c'est une belle trajectoire. Alors justement, Françoise Dolto, les rapports avec ses femmes proches, sa mère, sa sœur, on en a parlé. Et puis on va se retrouver dans 3 minutes et on parlera des hommes, son frère, son père et puis Boris. D'accord ? À tout de suite. Fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, faute cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pas quand tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, faute cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens. Viens donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras le meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La la la la, la la la la. Elisabeth Roudinesco, on va continuer à parler de Françoise Dolto. Alors, on a parlé des rapports avec les femmes de sa famille, sa mère, rapport difficile. Sa sœur qui meurt, elle a deux frères, hein, c'est mm-hmm. ça. Deux frères et un père, bien sûr. Et puis après un mari, Boris Dolto. Son rapport avec les hommes, enfin si je vois son histoire, en tout cas parmi ses proches, sont moins chaotiques avec les femmes. Oui, parce qu'elle dit elle-même, et c'est vrai, que c'est grâce à son père que finalement elle a pu faire des études. Les deux frères, l'un est devenu gaulliste, l'autre médecin. Gaulliste, c'est pas un métier. Non, mais non, engagé, pardon. Homme politique, voilà. D'accord. Je crois qu'il a fait des études, c'est plus très bien, mais en tout cas, non, mais il a, ça veut dire que il a rompu avec une certaine idéologie familiale. Mais si vous voulez, oui, elle était elle était plus la fille de son père que la fille de. Ouais. C'est pour ça que je dis que Françoise Dolto, c'était pas mama, c'était pas mamie truc. Elle avait un côté très masculin. J'ai même dit que. Dans le couple flamboyant qu'elle formait avec Lacan, il était plus féminin et elle plus masculine. C'est évident. C'est évident. Elle a et puis Boris Dolto a joué un très grand rôle. Alors on arrive à son mari, Boris Dolto. Son mari qui était un orthodoxe, un grand médecin, qui a inventé des méthodes de podologie de kiné, enfin qui était un médecin du corps. Et ça a beaucoup joué pour elle et qui était un personnage assez étonnant. La vieille Russie. La vieille Russie, Boris Dolto. Mmh. Il avait un côté vieux russe. Et donc, en fait, elle était... lui, il n'était pas pratiquant comme ça. C'était pas la même chose. Mais quand même, c'était un très beau couple. Alors maintenant... Il y a fils aussi. Alors, il y a le fils qui est donc Carlos, le chanteur. Oui, Carlos, la fille, mais je voudrais parler de Carlos. Quel regard elle portait sur les activités artistiques de son fils, qui était étonnante. Françoise est quelqu'un qui, dans l'éducation de ses propres enfants, avait ce côté que n'avait pas ma mère et que je n'ai pas. Elle était... Alors, pas question, hein, on abandonne les idées d'enfants rois qui font ce qu'ils font. Mais elle considérait quand même que les études pour lesquelles elle s'était battue elle-même, que l'école républicaine, que les études étaient... pas si important quand on voulait, par rapport à la réalisation des désirs. Ouais. Sa fille est devenue médecin, donc il n'y a pas de problème. Que son fils ait été ce qu'il a été, et qu'il soit devenu chanteur, pour quelqu'un comme Françoise, c'était son désir. Et elle l'a poussé. Alors, on était très musiciens, très mélomanes dans la famille. Dans la famille, d'ailleurs, Barrette, on jouait de la musique, donc très mélomane. Et ben lui, il est devenu ça. Un autre fils, pas du tout. Donc, les trois enfants sont très différents. Et bien sûr qu'elle l'a aimé tel qu'il était. Elle n'a pas porté de jugement. Il adorait sa mère. Il a été ce qu'il a été. J'ai lu des choses absolument débiles sur ça, que c'était la preuve qu'elle avait raté son éducation. Mais en quoi? Pourquoi, Carlos? Parce qu'il était très infantile, parce qu'il avait ce côté chanteur pour enfants, parce qu'il était évidemment... Côté nounours, quoi. Nounours, sympa. Oui. Ils avaient tous un problème d'obésité dans la famille. D'ailleurs, elle en parle, elle, de l'obésité. Elle est obligée de faire des régimes. Oui. Ils ont un problème avec ça. Mais ça, c'est pas un problème psychique, bon. C'est un problème de constitution. Non, croyez Vous croyez? Vous êtes sûr? Oui. L'obésité? Qu'il n'y a pas Oui, c'est-à-dire que si on se laisse aller... Oui, bien sûr. Mais enfin, vous avez quand signe de troubles psychiques, disent certains. Enfin, mais voilà. Écoutez, c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez aussi des constitutions. Il y a des familles où tout le monde est maigre. Des familles où c'est pas vrai. Où la même personne mange la même chose. Bon, non, moi j'ai fait des régimes toute ma vie, donc je sais ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez, c'est pas... Il y avait ça. Françoise avait ce côté... Vraiment, vraiment, vraiment. Écouter le désir des enfants. Pas négliger l'école, je dirais pas ça, mais pas être obsédée par l'idée de carrière universitaire. Quand même, elle en avait pas mal soupé dans sa famille, de ça. Donc, il y a un côté qu'il faut développer ses désirs. Alors, on peut dire que, comme ça, Carlos, c'est l'image de l'enfant roi. Non, moi, j'ai jamais trouvé que... plus que d'autres, mais elle a été tellement calomniée que ça finit par être ridicule, quoi. Alors justement, à ce propos, comment expliquer la différence d'un Lacan que son œuvre ne soit pas diffusée, ou plus diffusée, notamment dans les pays anglo-saxons? Parce que d'un côté, on dit, il y a la révolution Dolto, on est d'accord. En France. En France, pas en France. Bon, on passe quand même un cap. peut-être et un puis ça passe problème. Pas ça passe pas le cap des frontières. Non, pourquoi ça ne passe pas. Expliquez-moi ça ne passe pourquoi. Pas. Il y a beaucoup de raisons. D'abord, dans le mouvement psychanalytique international, on a ce qu'il faut. On a déjà Mélanie Klein, Bowlby, Anna Freud, l'école anglaise de psychanalyse d'enfants est la plus performante du monde, on va parler comme moderne, hein, c'est absolument évident. Donc c'est elle qui a triomphé dans le monde entier. Psychanalystes d'enfants américains sont aussi très forts. Et puis, si vous voulez, ils ont été... Il y a des instituts Bowlby, des instituts Mélanie Klein, il y a eu des biographies. Les héritiers ont fait le travail de transmission. Dolto est restée très française, même si sa fille s'est occupée des archives, elle les a publiées. Il y a eu des maisons vertes, il y a des... Mais quand même, il y a quelque chose qui ne passe pas dans la transmission, ne serait-ce... j'ai pas envie d'ouvrir une nouvelle polémique, je l'ai eu assez, il n'y a pas de biographie. Eh oui. Quand il n'y a pas de biographie, il n'y a pas d'historisation. La seule historisation de la psychanalyse en France, c'est moi qui l'ai faite. Donc, j'ai resitué Françoise Dolto dans l'histoire. J'ai toujours considéré qu'il fallait un biographe de Françoise Dolto. Parce qu'on relance l'œuvre par les biographies. Et ça, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire dans mes deux livres. J'ai parlé beaucoup de Françoise Dolto. Je n'ai jamais eu envie, moi, de faire une biographie de Françoise Dolto. Mais ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. Moi j'ai fait Lacan, ensuite j'ai fait une autre, j'ai fait un dictionnaire de la psychanalyse. Je me suis intéressée à la psychanalyse comparée dans tous les pays, et puis je suis revenue à Freud. Mais je crois que là, il y a un problème de transmission. Et puis, les élèves français de Dolto sont très accrochés à un culte de Françoise. Ils ont été, évidemment, formés par elle. Ils sont très accrochés au passé, à la défendre contre les attaques, ce que je peux comprendre. Et à mon avis, pas du tout assez la dimension de la replacer dans l'histoire de la psychanalyse mondiale. Alors, en même temps... Les archives sont publiées, merci Catherine Dolto qui en est responsable, elle a publié les archives, les archives sont disponibles, ça c'est une très bonne chose, elle a publié les correspondances quand même, ce que n'a pas du tout fait la famille Lacan. Donc si vous voulez, il y a un problème très français. Alors en revanche, évidemment, la pensée de Lacan, elle s'est internationalisée, parce que Lacan est un grand penseur qui n'appartient plus du tout seulement aux psychanalystes, qui est aussi un penseur... philosophe. Alors, dans les philosophes. Oui, on peut dire qu'il a introduit la philosophie dans la psychanalyse, mais il est lu dans les départements de littérature, de philosophie. C'est passé. Lacan s'est fait. Mais surtout, Lacan, il est maintenant lu par tous les psychanalystes du monde entier qui avaient refusé Lacan. L'histoire aujourd'hui est réparatrice de tout ça. Quand vous allez vous, vous promener dans tous les pays du monde comme moi, Lacan appartient à tout l'héritage du mouvement psychanalytique. Elisabeth Rodinesco, je vous remercie. Finalement, nous on a fait quelques fragments de biographie là, hein, voilà. De Françoise Dolto. Bon, c'est déjà ça. Mais on attend la biographie, effectivement. Merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Françoise Dolto, médecin d'éducation. Une fiction écrite par Philippe Alquémade, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère et Simon Mézalob. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Anne Lorcochet.